Document 3, page 102. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un, et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements ? Non, j'en ai assez. Elodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillée quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier ? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Elodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille ? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Elodie que nous les invitons ? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD ? Si tu n'as pas d'autre idée ?